L'amour s'en va et le tien ne saurait durer comme les autres. Un beau jour tu vas me quitter, si ce n'est toi. Nous courons après.